les choses, comment tourne vraiment le monde. Parlons d'autre chose, toujours ces intérêts immondes. Comment tournent les choses, comment va vraiment ce monde. Si-je pressé dans leur vie bien rangée. Ouh ah, ouh ah, ouh ah, ouh ah. Ouh ah, ouh ah, ouh ah, ouh ah. Ouh ah, ouh ah, ouh ah, ouh ah. Ouh ah, ouh ah, ouh ah, ouh ah. Comment tournent les choses, comment tourne vraiment le monde. L'overdose d'or noir qui rend immonde. Comment tournent les choses, comment va vraiment la terre. Comment va son cœur, je ne l'entends plus depuis des heures. L'humanité à repenser, c'est une prière en vérité, l'humanité à repenser, c'est une prière en vérité, l'humanité à repenser, c'est une prière en vérité, l'humanité à repenser. Comment tourne vraiment le monde. Parlons d'autre chose, toujours ces intérêts qui comptent.